la tristitude. C'était plaie anticonstitutionnellement. Quand tes réunions de famille sont des enterrements, c'est quand ton mec s'amuse à mettre tes sous-vêtements. Et ça fait mal, la tristitude. C'est quand t'as 15 ans et que ta mère entre sans frapper. C'est quand t'as cru que c'était un nanif costumé. C'est jouer Stairway to Heaven au ukulélé. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est ouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est comme parler de musique avec des ados. C'est travailler 8 heures par jour pour 1000 euros. C'est quand tu vas te chercher une glace chez les courgeaux. Et ça fait ah, la tristitude. C'est tenter d'ouvrir un bar gay au Nigeria. C'est copier un film de 4,8 gigas. C'est quand un de tes deux jumeaux n'est pas de toi. Ça fait chier, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous. C'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux d'un roi. La tristitude, c'est c'est ouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est voir en entier un spectacle de Titoff. Quand on te dit que t'as le même humour qu'un Roumanoff. Tu dois claquer la bise au frère Bogdanov. Et ça fait peur, la tristitude. C'est quand ta mère te dit qu'en fait c'est pas ta mère. Qu'en fait ta mère c'est ton père qu'il s'est fait refaire. Toi qui cherchais ton père, maintenant tu cherches ta mère. Ou le contraire. Et ça fait mal, mal, mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux d'un roi. La tristitude, c'est c'est ouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. Non, non, non, la tristitude, c'est faire valider son bulletin de loto. Et t'apprends que t'as les 6 bons numéros. Alors tu te dis que c'est vraiment cool. Et bon, je respecte pas les règles. Moi je respecte pas les règles. Mais c'est quoi les règles? C'est qui les fixe les règles? D'abord tu regardes Wikipédia, voilà, tristesse existe, bravitude il y en a, mais tristitude il y a rien, voilà. Donc la règle elle existe pas de base, tu vois. Alors même moi je m'en fous des règles, tu vois, je trouve ça triste même comme ça. Tu crois que moi j'ai no rules, toi? Moi je suis un putain de dragon, un fou, un brûleur de censure, voilà. Alors moi je me casse d'ici, voilà. Garde-les avec tes règles, refais ta chanson, tu fais comme tu veux. Allez, voilà, je me casse.